Voilà. C'est bien compris là ? Il y a une. Voilà, ta'al. Ça y revient et assis-toi. Vous avez bien compris là ? Voilà, c'est une liaison. En français, il y a ça. Vous avez compris ça ? Tu diras pas ta'ala ou ijlis. Si tu veux bien parler, tu diras quoi ? Ta'al ou ijlis. Vous avez bien compris ça, Inch'Allah ? Il y a juste à lire alors. Bismillah. Ayman, vas-y, lis. À voix haute pour tout le monde d'entendre. Hein. خرج ابن الطبيب من البيت. Très bien. Voilà. خرج ابن الطبيب. Voilà. ذهب ابن. ها؟ لا ذهب ابن التاجر إلى السوق. تاجر إلى السوق. السوق le marché. بارك الله فيك. Suivant. ابن اسم المهندس. Doucement. ابن اسم. Voilà. Tu devras aller doucement, Wahab. Ismu al-Muhandisi Faisalun. Wasmu al-Tabibi Mas'oud. Le suivant. Masmu al-Rajuli. Masmu al-Rajuli, naam. Ibn man anta. Ibn al-Waziri. Al-Waziri. Très bien. Ibn man ant. Anabnu al-Waziri. C'est-à-dire quoi, al-Wazir? Ministre. Très bien, mashallah. طيب الكلمات الجديدة الرسول مساجي الكعبة سي لا كعبة كامكا الاسم سي لو نوم ابن l'enfant ou on va dire le fils. طيب pour ça on dit par exemple محمد ابن عبد الوهاب le fils de عبد الوهاب. طيب العم سي l'oncle paternel الخال سي l'oncle maternel الحقيبة سي la valise le cartable سيارة la voiture Chari'u, la rue. Mourlaqoun, fermé. C'est pas le verbe fermé, hein. Attention. Hein. Si, c'est. La chose, elle est fermée. Al-babu, mourlaqoun. Taïf. Tahta, en dessous. Hunaka, c'est-à-dire là-bas. Al-muhandisu, l'ingénieur. Taïf. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Tout le monde a compris ? T'as compris là ? Ibn Was ? Wahbi ? Il y a Saber ? Tout le monde a bien compris, ça va ? Tabi la huna, Inch'Allah. Barakallahu fikoum.